attendait le Fils de Dieu. Il espérait le temps de Dieu. Le voici qui vient, le Messie de Dieu. C'est Jésus qui vient, l'envoyé de Dieu. Moi aussi je chante de tout mon cœur, Jésus est le seul Seigneur. Moi aussi je chante, oh quel bonheur, vraiment Jésus est Seigneur. Il le suivait, le Fils de Dieu. Il écoutait le don de Dieu. Le voici chez nous, lui la voix de Dieu. Chemin vers Dieu. Moi aussi je chante de tout mon cœur, Jésus est le seul Seigneur. Moi aussi je chante, oh quel bonheur, vraiment Jésus est Seigneur. Entendait la joie de Dieu, il annonçait la paix de Dieu. Le voici pour tous, le salut de Dieu. C'est Jésus qui vient, le cadeau de Dieu. Moi aussi je chante de tout mon cœur, Jésus est le seul Seigneur. Moi aussi je chante, oh quel bonheur. Jésus est roi, nous le chantons, Jésus est vie. Nous vous l'annonçons, le Christ est vivant. C'est Jésus qui vient, vainqueur et prêtre.